Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, c'est Adelina. Oui, maintenant. On insiste bien. J'aime voilà. bien ces petits jingles. Adelina qui est toute seule, qui est du duo. Du talon haut. C'est un duo musical swing pop électro. Yes. Avec Julie et donc toi, Adelina. C'est ça. Alors, comment s'est né ce duo? Alors, en fait, Julie et moi, on s'est rencontrés dans une école à Paris. Et on a toujours voulu travailler ensemble. On avait vraiment eu un coup de cœur artistique et personnel aussi. Mmh. Et un jour, on a eu l'occasion. On nous a donné l'occasion de créer ce duo. Et du coup, on s'est dit, ah non, mais super, on se lance. C'est vraiment génial. Et c'était vraiment l'occasion qu'on avait de bosser ensemble, quoi. Donc c'était top. D'accord. Et donc, c'est très... on le voit, hein, d'ailleurs, t'as mis le bandana. T'as vu ça? C'est très 50s. Les 50s. En fait, on aime 50s, bien mélanger. Ouais. Oui, c'est ça. Comme notre musique, elle est swing, mais on essaie que ce soit quand même très moderne. Du coup, pareil, dans le look, on aime bien le côté un petit peu rétro, mais de 2016, quoi. Oui, oui, non, mais c'est très réussi, du coup. Et du coup, comment ça marche, la compo? Il y en a une qui écrit, une qui compose? Alors non, les chansons qu'on a écrites ensemble, on les a vraiment faites ensemble. S'il y en a une qui a un petit bout de parole ou des fois ça part sur un mot qu'on aime bien et d'un coup on dit « Ah tiens, on pourrait faire ça ». Donc du coup vraiment la mélodie peut venir de l'une ou de l'autre, mais tout s'embrique ensemble, quoi. Oui, c'est vraiment un duo. C'est ça. Oui, ça te vient. Ça, c'est vraiment ça. C'est bien organisé. Hein. Non, c'est bien foutu votre truc. Et vous avez des dates de prévues de concerts? Alors là, non, on vient de tourner une nouvelle vidéo. Ah, et oui, parce que nous avons une chaîne YouTube. Hey. Et là, voilà, on a un nouveau cover qui va arriver là mi-mai. D'accord. Et la chaîne YouTube s'appelle comment? Talon haut. Talon haut. Tout simplement. Logique, le nom du groupe. Finalement, voilà. Alors, a fait simple. On peut le dire, Julie est aussi membre des L5, la oui. nouveau L5. J'ai pas, tu es un peu au courant de cette histoire? Alors, un petit peu, oui. Comment s'est passée cette reformation? Mais je voulais le mettre dans les potins. Oh là là. T'as foiré ça truc. Ah. Bon, hey, Jean-Paul, on a des réponses pour la semaine prochaine. J'ai noté L5. Comment elle est arrivée dans cette aventure? En fait, elle connaissait Claire, une ancienne L5, qui du coup avait parlé de reformer le groupe et elle cherchait quelqu'un parce que Louise et Joseph avaient tout simplement refusé. Et du coup, voilà, elle s'est retrouvée dans l'aventure et au final, Claire n'y est même plus. Mais bon, Julie y est toujours. C'est confus cette histoire. C'est confus, c'est très confus. Tout à fait, c'est comme L5, c'est bataille navale, j'ai pas le nom. C'est ça. Les trois. Touché, coulé. On va écouter, on va se faire plaisir d'écouter Talon haut. Et avec plaisir. La chanson s'appelle Ras-le-bol. Merci. Du tyran qui m'isole, ras-le-bol, des paroles qui parlent, ras-le-bol, des c'était Ras-le-bol talon haut. Tu voulais dire quelque chose sur cette chanson, je crois. Oui, Adeline. Je voulais juste préciser que celle-ci, cette chanson-là, elle a été écrite par Philippe Kassenbeck. Voilà. D'accord. Donc on précise, pour avoir des dates, je suppose que c'est sur le Facebook, le Twitter, le YouTube. Exactement. Il y a un album de prévu ? Non, pour l'instant, on tape sur un EP. Ah, oui, enfin un EP, pardon. Voilà. Excusez-moi. Oui, c'est moderne. Moi, je m'emballe. Léa, des tweets ? Oui, tout à fait. On a Capitaine Sans S qui apparemment adore la chanson. Il nous dit que c'est trop bien sur Twitter. Donc, n'hésite pas à partager l'actu de Talon Haut, Capitaine Sans S. Voilà. De toute façon, nous, on le partage. On va le partager avec le podcast dès demain. Super. Ouais. Et puis voilà. Mais c'est super. On est content.